comme on est, on est comme on est. On a un petit nez. On a des grands pieds. Enfin, surtout d'ag. Quoi? Un grain de beauté. Mais on se trouve raté. Hé, hey, parle pour toi. Tant que la terre est ronde, t'es unique au monde. On est comme on est, tu sais, et passe les années. Alors autant s'aimer comme on est. Oh yeah. On est comme on est, on est comme on est. Et puis un beau jour, ça y est, c'est ton tour de trouver l'amour. Plus besoin de discours. On est comme on est, tu sais, et passe les années. Alors autant s'aimer comme on est. Allez, encore une fois, avec nous.